jalousie grandit dans la maison. La stérilité devient un cri. Rachel supplie pour un enfant, comme si la vie dépendait de lui. Léa continue à porter la vie. Les servantes entrent dans le combat. L'homme lutte pour contrôler la vie. Toi seul reste le Dieu qui ouvre et qui ferme. Tu es le Dieu qui ouvre les ventres, et nul ne commande la vie. Quand nos calculs veulent saisir l'avenir, tu restes le maître de l'infini. Tu es le Dieu qui ouvre les ventres, même après les longues saisons. Et quand le fruit arrive enfin, il porte ton nom et non nos raisons. Oh. Tu te souviens enfin de Rachel. Tu ouvres son sein par ta main. Joseph naît comme un chant nouveau, dans une maison épuisée par le chagrin. Pendant ce temps, Jacob prospère, les troupeaux se multiplient encore. Et même dans les stratégies humaines, tu es celui qui garde l'or réel de son sang. Tu es le Dieu qui ouvre les ventes. Calculs veulent saisir l'avenir, tu restes le maître de l'infini. Tu es le Dieu qui ouvre les ventres, même après les longues saisons. Et quand le fruit arrive enfin, il porte ton nom. Toujours de toi.